La nuit de Noël dans tous les pays, par Mgr Chabot, prélat de sa sainteté, curé de Pithiviers, Loiret. Enregistré par Christiane Jehanne. Chapitre 4. Le réveillon et les gâteaux de Noël. La messe de minuit, nous l'avons dit, était ordinairement précédée d'un repas maigre, qu'on nommait en Provence le gros souper. Elle était suivie d'un repas gras, qu'on était convenu d'appeler dans tous les pays le réveillon. Ce repas avait sa raison d'être, par suite du jeûne de la veille, de la privation de sommeil, de la longueur des offices de la nuit qui souvent duraient plusieurs heures. Note, la grand-messe de minuit était précédée des trois nocturnes, des matines et suivie des laudes. Fin de note. Et aussi des fatigues d'une longue route parcourue pour venir à l'église. Telle a été l'origine du réveillon. Nous parlerons successivement des groupes de quêteurs en vue du réveillon, du repas lui-même et des gâteaux de Noël. 1. Les quêteurs. La Guillonnée dans le pays d'Armagnac. La Guillonnée est le chant de joie de Noël. Il est en patois gascon. Pendant tout le mois de décembre, les jeunes gens qui doivent tirer au sort vont chanter la Guillonnée le soir après souper devant les portes. Comme récompense, on leur donne quelques sous, des œufs, de la farine, des châtaignes. Avec le produit de cette quête, ils font le réveillon de Noël. La Guillonnée se chante sur un air très gracieux et très entraînant. Les chanteurs, Luz Aguiunes, portent le béret bleu du pays, brodé avec de la laine rouge, jaune, verte, blanche, le tout surmonté d'un pompon aux multiples couleurs. C'est avec ce costume bigarré qu'il se promène crânement dans les foires et marchés. Il ne faut pas oublier, nous dit notre aimable correspondant, que nous sommes au doux pays d'Armagnac, pays du bon vin et du gai soleil, et on aime beaucoup chez nous à rire et à s'amuser. Il y a de braves gens tout de même, et si les têtes sont un peu légères, les cœurs sont toujours bons. Chant de la Guillonnée. Trois compagnons sont arrivés devant la porte d'un chevalier. Refrain. Gentil seigneur, la Guillonnée, il faut donner aus compagnus. Assi que boal ou bent d'autant, d'aubrit la porto qu'entreron. Gentil seigneur, et la suite du refrain qui se répète à chaque couplet. Bravos Jean, alucat lo candelo, bus pourtant no grande nubelo. Inta nadau escutats ben, Jesus va nécher à Bethléem. Damus haumen un breseru, inta couchalu salvadu. Damus ubriolieto, inde buta de gens sa maneto. Enseignamus uo cansun, inde erise lu menat jun, etc., etc. Traduction. Trois compagnons sont arrivés devant la porte d'un chevalier. Gentil seigneur, les guillonnés il faut donner aux compagnons. Ici, souffle le vent d'antan, ouvrez la porte, nous entrerons. Braves gens, allumez la chandelle, nous vous portons une grande nouvelle. Pour Noël, écoutez bien, Jésus va naître à Bethléem. Donnez-nous au moins un petit berceau pour y coucher le Sauveur. Donnez-nous une violette pour mettre dans sa petite main. Enseignez-nous une chanson pour faire rire le petit enfanson, etc., etc. Ainsi se continuent indéfiniment les couplets de la Guillonnée qui se terminent toujours par des souhaits en rapport avec l'aumône reçue ou refusée. Si les chanteurs ne reçoivent rien, ils disent les choses les plus désagréables. Par exemple, « Dius bus conserve la santat » Cumo laigo de gens un bergat. Dieu vous conserve la santé comme l'eau dans un panier percé. Mais s'il se trouve un donateur généreux, on souhaite toutes sortes de prospérité à sa maison. Par exemple, Lubundio bus dungo antan daucat, cumo derbeto de gens tous pra. Que le bon Dieu vous donne autant d'oies qu'il y a de brins d'herbe dans les prés. Diu benanisco a questo maisun, musan baya kaukun debun. Dieu bénisse cette maison, car on nous a donné quelque chose de bon. Cette chanson, comme on le voit par le texte lui-même, se rapporte surtout à la fête de Noël. Elle est chantée à l'occasion des quêtes qui ont lieu pendant tout le mois de décembre. La chanson traditionnelle que répètent les enfants pendant le temps de l'Avent, la vieille chanson de quête aux environs de Rouen, est encore celle-ci. « À guignette, miette, miette, j'once des miettes dans notre pouquette pour les jeter à vos poulettes. Si elles pondent de gros œufs, la maîtresse, donnez-m'en deux, à guignolo !» Dans les environs de Ploërmel, la veille de Noël, quand le soir arrive, des enfants, réunis par petits groupes de 3 ou 4, vont de porte en porte éclairés par une bougie que tient le chef de la bande. Il pose d'abord à la maîtresse de maison cette question. « Faut-il chanter Noé ?» Si la réponse est affirmative, ils entonnent le couplet suivant. « Chantons Noé, ma bonne femme, chantons Noé, vous et moi, pour une pomme, pour une paire, pour un petit coup de cidre, à Berre, chantons Noé, etc. » Puis, après avoir reçu quelques sous ou quelques friandises, ils s'en vont à une autre porte répéter la même chanson. Dans certaines paroisses des Hautes-Pyrénées, situées entre Lourdes et Bagnères, les enfants s'en vont le matin de la veille de Noël, musiqués devant chaque maison. On donne à chacun un petit pain fait exprès par la ménagère. Régulièrement, les enfants pauvres, seuls, devraient aller à cette distribution d'aumônes. Mais par camaraderie ou par amusement, les enfants des familles aisées se joignent à eux. On désigne ces joyeux quêteurs sous le nom patois de « et allégresse » en français, « les joyeux ». Ce mot n'est jamais employé qu'à Noël. Dans la vallée d'Arros, au centre même du département, il y a 30 ans, les enfants couraient de même, de maison en maison, la veille de Noël, pour demander la prouesse, c'est-à-dire des pommes, des noix et des friandises. Cet usage a à peu près disparu. Dans le pays d'Oriba, l'Ande, les enfants de la campagne se forment en groupes joyeux la veille de Noël. Ils vont solliciter des offrandes devant toutes les maisons où il y a eu un baptême dans l'année. Ils chantent alors un refrain connu vulgairement sous le nom de « Lou Pigéou ». Pigé, ou, ou, pigé, tal, tal, tal, dat lou mouan à les canale, pig, ous, ous, ous, les miches à cadet douce, pig, heigne, heigne, heigne, les meilles par kessiloumeigne. Pig, ou, pig, taille, taille, taille, donnez l'aumône à la marmaille. Pig, ous, ous, ous, les miches, pain d'anis, à chacun d'eux. Pig, heigne, heigne, heigne, la plus grande portion, que ce soit la mienne. Malheur à celui qui ferait la sourde oreille. Les enfants, de leur ton le plus aigu, hurleraient un refrain vengeur, mais trop grossier pour pouvoir être reproduit. 2. Le repas. Dans l'Orléanais, le réveillon avait des mets et des chants traditionnels. Le porc composait le menu de ce festin. C'était sous toutes les formes et par parties que la victime était servie sur la table. Partout, son sang apparaissait sous la forme de boudins succulents et sa chair hachée sous celle de crépinette, sorte de saucisse longue qui, dans certaines communautés, était servie à chaque personne dès le retour de la messe de minuit. La fin du repas était égayée par le chant de Noël locaux. Dans les familles angevines, il était d'usage à Noël de tuer un des porcs mis à l'engrais. Dès le matin, le boucher, accompagné de ses valets, se rendait à domicile et après avoir saigné, épilé le porc, puis taillé sa chair, se mettait à faire force saucisses et boudins car il fallait en envoyer à tous les parents et amis. Le soir arrivé, une grande chaudière d'airain était posée sur le feu. Cette chaudière était remplie de la chair du porc, coupée en petits morceaux et destinée à faire des rillots. Le chef de la famille se signait, jetait de l'eau bénite sur le feu, puis plaçait dans la chaudière 3 mesures de sel. À l'aube du jour, les rillots étaient cuits, et alors on se délassait dans ce gai repas des veilles de la nuit. Ensuite, on partait pour l'église paroissiale en emportant sur un large plateau un magnifique jambon couvert de verdure. Ce jambon était déposé devant le maître-autel. Un prêtre en habit de cœur venait le bénir et prononçait une prière consacrée à cette cérémonie, prière qu'on retrouve encore dans nos anciens rituels du Moyen-Âge. Après la bénédiction, le jambon était reporté à la maison et suspendu dans l'âtre de la cheminée, il y restait jusqu'à Pâques. Ce jour-là, il était décroché et mis sur la table autour de laquelle la famille venait s'asseoir et rompait avec cette viande bénite l'abstinence du carême. Dans le Rouergue, à Véron, tout en se chauffant autour du souco nodolengo qui flambe, on réveillonne avec un bon morceau de saucisse, cuite à point par les soins de la ménagère, ou à défaut de saucisse, on se régale tout bonnement d'un morceau de porc salé conservé depuis le carnaval passé. Et comme dessert, une rissole aux prunes ou aux pommes bien chaudes et bien dorées. Le jour de Noël est un jour de grande liesse. C'est le maître, le bourgeois, qui régale la famille et les domestiques. C'est à lui qu'incombe le soin de tout disposer, car c'est ce jour-là la fête des petits, des humbles, des serviteurs. Le maître paie à toute la maisonnée. Mais en revanche, le jour des rois sera sa fête à lui. À leur tour, les domestiques paieront ou seront censés payer, et ce soir-là encore, il y aura grande liesse dans la ferme, éclairée autant par le grand feu de la cheminée que par la lampe du plafond. En Poitou, Lucas le Moigne, curé de Notre-Dame de la Garde, Poitiers, a composé un Noël où il est raconté quel réveillon on faisait après la messe de minuit. Canditor, le jour de Noël, fit un banquet non pareil, qui fut faillette, passé v'là longtemps, et s'y le fit à tout venant. Suit le menu, perdrix, chapons, oiseaux sauvages, hérons, levraux, conghilis, faisans, sangliers, limaces, au chaud du mai. Voilà pour les plats de résistance, et j'en oublie. Maintenant, pour le dessert, la pâtisserie, les fouasses, les crasses museaux, gâteaux secs, pain de chapitre, échaudé pour les mauvaises dents avec du vin. De l'hypocrase, vin carapi et faille mangeau pour enluminer tout museau, Noël. Il y vint même un bouteillier qui, onque, ne cessa de verser tant qu'un carto il assécha in sempiterna s'écoula. À défaut du petit vin clairet de Poitiers, on avait de derrière les fagots quelques réserves en cachette de pommes sans yant ou de poirets doucereux pour arroser chansons qui ne tarissaient guère. Dans les Hautes-Alpes, Noël est le grand jour de réunion familiale. Au marché qui précède la fête, les femmes se pourvoient d'une bougie par ménage, car le soir de Noël, on ne s'éclaire ni avec le bouillon blanc trempé dans l'huile, ni avec le bois résineux qui sert là de lumière comme dans les villages russes. Il est de coutume de manger, après la messe de minuit, des soupes de pâté qu'on appelle sazane ou creuset. Le chef de la famille prend le premier un verre plein de vin et porte la santé à tous les siens. Le verre passe ensuite de main en main, la même santé se répète, et à la fin du repas, chacun à son tour y boit à ceux des membres de la famille que la nécessité retient absents. Dans le Var, après la messe de minuit, les tourtes, gros gâteaux ronds faits avec du miel, de la farine, de la confiture, de l'huile, déride tous les fronts. En Armagnac, devant la souche de Noël, en partant à la messe de minuit, on laisse mijoter le pot de la daube, qui est la base du réveillon. La daube est un plat national et bien gascon. Elle se compose d'un morceau de bœuf cuit dans une sauce noire, faite avec du vin rouge et force condiments. On ne comprendrait pas en Armagnac un dîner de Noël sans la daube. Les familles les plus pauvres se paient ce luxe gastronomique, et si leur misère est trop grande pour pouvoir se donner ce régal, de charitables voisins se font un devoir de le leur procurer. Le réveillon se complète avec de longs morceaux de saucisses cuites sur le grill, toujours avec les charbons de la souche. On termine par les châtaignes grillées, arrosées de vin nouveau. Si vous voulez quelques notes sur les fêtes de Noël dans notre beau Béarn, je puis vous en donner. Tout se passait très simplement. Les amis se réunissaient. On chantait des Noëls béarnais en attendant la messe de minuit. On nous faisait rôtir des marrons et on nous faisait boire de cet excellent vin blanc qu'aimait tant notre bon Henri, Henri IV, le béarnais. Seulement, on nous le donnait à très petite dose, car il porte. Et on nous mettait au dodo en nous promettant de nous réveiller au moment voulu. Et le lendemain, grand désespoir de n'avoir pas été réveillé à temps, mais le tour était joué. Et l'on nous menait voir le petit Jésus dans sa crèche, où nous lui promettions d'être sages. Ceci se passait dans ma petite enfance, il y a trois quarts de siècle. Madame la Comtesse de X. Dans les montagnes du Gévaudan, Lozère, on arrive à 3 heures du matin de la messe de minuit. On prend un air de feu et on se met à table. Depuis des siècles, le menu est toujours le même. Oreilles de porc, riz au lait, saucisses, fromage. Le tout était jadis arrosé de vivarais, vrai nectar que les vieux seuls ont connu. Aujourd'hui, c'est le Languedoc qui figure à la table de nos montagnards. Il monte facilement à la tête, mais il ne réjouit pas le cœur. En Corse, dans les familles pauvres, on mange au réveillon la traditionnelle polenta, bouillie de farine de châtaigne ou de maïs, avec des tranches de porc tuées exprès la veille. Dans le pays bisontin, on prend au retour de la messe de minuit un peu de vin chaud avec une petite tranche de pain. C'est la mouillotte. Pour la journée de Noël, on fait actuellement une grande fournée de gâteaux. Autrefois, en montagne, quand on mangeait habituellement le pain d'avoine et d'orge, on préparait pour Noël des pains d'orge mélangés d'un peu de froment. Chacun avait sa michotte. La mère de famille avait soin d'en faire une de plus pour le premier pauvre qui passait. On l'appelait la « padée », la part à Dieu. Dans le pays de Caux, Seine inférieure, dans les campagnes, le réveillon est réduit aux plus modestes proportions. Pendant que dans l'âtre se consume la traditionnelle bûche de Noël, on se contente d'un frugal repas où figure parfois chez les pauvres une fricassée d'oiseaux pris le soir à la soutarde. On termine aussi quelquefois par une tasse de flip, boisson chaude et composée de cidre doux, d'eau de vie et de sucre réduits au feu. En Alsace, le réveillon se fait avec des saucisses, des jambons, des boudins arrosés de vin blanc. C'est le Kutelschmaus. Nous avons dit qu'en Angleterre, il se fait à l'occasion de Noël une consommation considérable d'oies grasses. Il en était ainsi autrefois dans nos provinces méridionales de la France. Il n'était pas de fête en Languedoc et en Béarn, où l'antique gardien du Capitole ne figura à la place d'honneur. Le plus souvent, le réveillon se composait d'une bonne soupe aux choux, dont la marmite avait été enterrée sous la cendre avant le départ pour la messe de minuit, d'une oie rôtie, d'une saucisse fraîche et d'un pâté de foie gras. Le jour de Noël, M. de Talleyrand avait l'habitude de servir à ses invités l'oie traditionnelle dont il avait lui-même imaginé la recette. Vous plaît-il de la connaître ? Foncez une casserole de barres de lard et de tranches de jambon. Veuillez ajouter quelques oignons piqués de clous de girofle, une gousse d'ail, un peu de thym et de laurier. Sur ce matelas parfumé, posez une oie grassouillette, bien jeune, bien tendre, soigneusement farcie de son foie et de crête de coq. Arrosez généreusement de sauterne, semez une pincée légère de muscade et laissez tomber quelques gouttes d'orange amère. Couvrez enfin de papier beurré et feu dessous, faites partir. Décidément, il avait beaucoup d'esprit, monsieur de Talleyrand. L'oie de Noël est bien un vrai rôti de fête. Tandis que les cloches égrènent dans le ciel leur joyeux carillon, que le boudin fume et crie sur le grill, que les marrons pétillent sous la cendre, que les gâteaux de famille profilent leur coupole feuilletée, l'oie fumante est placée au milieu de la table, aux applaudissements des convives. De ses flancs embaumés s'échappent bientôt de succulents marrons. Les enfants tendent leur assiette en criant « Noël, Noël !» Et la douce voix des cloches semble leur répondre « Réjouissez-vous, enfants, car Jésus est né !» Madame de Sévigné, dans la nuit de Noël de l'an 1677, offrit un réveillon dans son merveilleux hôtel carnavalet, aujourd'hui transformé en musée de Paris historique, ancien et moderne. D'après le cérémonial accoutumé, Coulanges met le feu à la bûche de Noël dans la grande cheminée Henri II. La table est garnie au centre d'un agneau tout entier. Sur l'immense dressoir qui occupe tout un panneau de la salle, des orangers encadrent les aiguères et la vaisselle d'argent et de vermeil. Les jets d'une haute fontaine les parfument encore de l'essence des fleurs les plus odorantes et les plus variées. Le réveillon se prolonge au milieu des 8 services, dont la simple énumération en sa consistance abondante et variée suffirait à soulever d'effroi les estomacs de notre temps. Qu'il nous suffise d'indiquer qu'après les soupes, les entrées, les 2 services de rôti, gros et menu gibier, le service des poissons, saumons, truites et carpes parurent deux énormes buissons d'écrevisses flanqués de quatre tortues dans leur écaille. Au sixième service, on en était encore aux légumes, cardons et céleri, et le huitième service termina le repas par les amandes fraîches et les noix confites, les confitures sèches et liquides, les massepains, les biscuits glacés, les pastilles et les dragées. Les meilleures crues de Bourgogne et des côtes du Rhône avaient arrosé les divers services du repas, le muscat de Languedoc restant réservé aux babioles du dessert. À Paris, le réveillon est plus à la mode que jamais, et la statistique serait impuissante à établir la quantité de boudins grillés qui s'y consomment pendant la nuit du 24 au 25 décembre dans la grande capitale. Plus que toute autre ville, Paris subit l'influence des coutumes étrangères. Il a pris à l'Angleterre les joies gastronomiques du Christmas, à l'Allemagne son arbre de Noël si charmant et si poétique. C'est seulement dans les quartiers paisibles du Marais et de l'île Saint-Louis, loin des rues grondantes de la grande ville, où les chaudes rôtisseries, les charcuteries enrubannées, toutes grandes ouvertes, les cafés et les restaurants illuminés offrent jusqu'au matin l'odeur et le flamboiement d'un immense festin. C'est dans ce Paris ignoré qu'il serait possible de retrouver quelques traces des vieux usages de nos pères.